Ralph Kurhäuser, c'était justement pour des raisons de service public, d'apprentissage des langues, que ce choix avait été fait chez Arte à l'époque. Alors, la première raison, c'était pas pour l'apprentissage des langues, c'était vraiment... ça fait partie de notre ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on a des différentes cases de films cinéma, des cinémas d'auteurs, cinéma découverte, desquels on diffuse souvent que en version originale sous-titrée. Et les films diffusés en prime time, les cinémas actuels, les cinémas classiques, là, on diffuse les deux versions. Ça veut dire sur le canal principal, la version doublée, et sur le deuxième canal, la version originale sous-titrée.